Comment diriez-vous j'attends? Et pensez à la forteresse de Wartburg, le château de l'attente. Ich warte. Ich warte. Ich warte. Et comment dit-on nous attendons? Wir warten. Wir warten. C'est ça, du verbe warten. Warten. Et si vous attendez depuis un certain temps, vous pourrez dire Ich warte seit. Seit, c'est depuis. Seit. Seit, ça s'écrit S-E-I-T, à ne pas confondre avec Zeit, le temps qui passe. Z-E-I-T. Là, c'est le son de la mouche tété. Dans Zeit, S-E-I-T, le S a le son d'un Z français, tout comme Zi. Par exemple, seit 10 Minuten. 10, 10 signifie 10. 10 minutes, 10 Minuten. Ich warte seit 10 Minuten. J'attends depuis 10 minutes. Comment dira-t-on nous attendons depuis 10 minutes? Wir warten seit 10 Minuten. Wir warten seit 10 Minuten. Habiter se dit wohnen. Wohnen. Wo wohnen Sie? Où habitez-vous? Wohnen s'écrit W-O-H-N-E-N. Wohnen. Alors, comment direz-vous nous habitons ici? Wir wohnen hier. Wir wohnen hier. Comme pour warten, pour dire nous habitons ici depuis un certain temps, vous aurez besoin de seit, depuis. Vous pourrez aussi ajouter schon, déjà, qu'on a déjà vu dans c'est déjà prêt. Comment dit-on c'est déjà prêt? Es ist schon fertig. Es ist schon fertig. Eh bien, avec schon, on peut aussi dire par exemple déjà depuis 10 ans. Schon seit 10 Jahren. Jahren, l'année se dit Jahr, seit 10 Jahren, depuis 10 ans, seit 10 Jahren. Mais si vous demandez à quelqu'un depuis combien de temps habitez-vous ici, il vous faudra employer wie lange. Wie lange, sans seit. Ainsi, si habiter se dit wohnen, comment diriez-vous depuis combien de temps habitez-vous ici? Wie lange wohnen Sie hier? Wie lange wohnen Sie hier? Wie lange wohnen Sie schon hier? Depuis combien de temps habitez-vous déjà ici? Wie lange wohnen Sie hier? Et vous serez peut-être amené à demander depuis combien de temps êtes-vous ici? Wie lange êtes-vous? Sind Sie? Sie sind, c'est vous êtes. Wir sind. Nous sommes, sein, être, mais on dit wir sind et sie sind. On a donc je suis qui se dit ich bin, tandis qu'avec il, elle, ça, on emploie la même forme ist. Er ist, sie ist, es ist. Et avec wir et sie, on emploie sind. Wir sind, sie sind. Comme dans wie lange sind Sie schon hier in Deutschland, in Frankfurt, in München, en Allemagne, à Francfort, à Munich. Tous ces lieux, ces noms de villes ou de pays, sont précédés de in, qui veut dire dans. Donc, wie lange sind Sie hier? Ou wie lange sind Sie schon hier? Déjà, ça veut dire depuis combien de temps êtes-vous ici? Déjà ici. À vous. Comment diriez-vous depuis combien de temps êtes-vous ici? Déjà ici. Wie lange sind Sie schon hier? Wie lange sind Sie schon hier? Et si vous posez la même question au sujet d'une femme, depuis combien de temps est-elle en Allemagne? Est-elle déjà en Allemagne? Wie lange Ist sie schon in Deutschland? Wie lange ist sie schon in Deutschland? Et comment direz-vous, depuis combien de temps habite-t-il à Munich? Wie lange? Le verbe est wohnen. Donc, habite-t-il? Wohnt er? Très bien. Déjà à Munich? Schon in München? München. Wie lange wohnt er schon in München? Pour dire que vous faites quelque chose depuis longtemps, vous direz Ich tue das schon. Je fais cela déjà. Seit langer Zeit. Depuis longtemps. Ich tue das schon seit langer Zeit. Comment diriez-vous Nous faisons cela depuis longtemps? Wir tun das schon seit langer Zeit. Wir tun das schon seit langer Zeit. Travailler se dit arbeiten. Arbeiten. Die Arbeit, le travail. Travailler, arbeiten. Donc, il travaille se dit er arbeitet. Il faut qu'on entende bien le T. Ich arbeite, er arbeitet. Sie arbeitet. Donc, il travaille ici depuis longtemps se dit. En allemand, on dira il travaille depuis longtemps ici. Er arbeitet depuis longtemps. Seit langer Zeit hier. Hier, oui. Er arbeitet seit langer Zeit hier. Et maintenant, nous sommes ici depuis longtemps. Mot à mot, nous sommes depuis longtemps ici. Wir sind seit langer Zeit hier. C'est ça. Wir sind seit langer Zeit hier. Trois se dit drei. Et depuis trois jours, seit drei Tagen. Ça vient de Tag, qui veut dire jour, comme dans Guten Tag, bonjour. Donc, Tag, c'est jour. Et seit drei Tagen, depuis trois jours. Alors, comment direz-vous Je suis ici depuis trois jours. Mot à mot, je suis depuis trois jours ici. Ich bin seit drei Tagen hier. C'est ça. Ich bin seit drei Tagen hier. Et nous sommes ici depuis trois jours. Wir sind. Bien, sind. S-I-N-D, wir sind, nous sommes. Nous sommes depuis trois jours ici. Wir sind drei Tagen hier. Wir sind seit drei Tagen hier.